إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wa Sunnah. Et c'est le livre, un livre qui est écrit par le Cheikh Dr Isam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par Ma'ali al-Sheikh Dr Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qui est un membre des grands savants de l'Arabie Saoudite et un membre du comité permanent pour l'Ifta en Arabie Saoudite, un des grands ulama de notre époque, parmi les ulama d'Ahlus Sunnah, les ulama salafiyin. Et donc, on est arrivé dans notre livre ensemble à la partie numéro 3, ou le point numéro 3, qui explique l'importance de la aqida de Al-Wala wal-Bara. Et on a vu dans le cours passé à quel point ce sujet est relié à la aqida du tawhid et comment il exprime la même signification que la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il y a dedans la négation et l'affirmation, et que donc al-wala wal-bara ça rentre dans la signification de la ilaha illallah, donc c'est relié directement avec le tawhid, c'est relié directement avec le tawhid. Et on est arrivé à la lecture d'une parole ou d'une citation par rapport à justement al-wala wal-bara, une citation de l'imam Qawam al-Sunnah Ismail al-Asfahani dans son livre Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, le volume 2 à la page 501. L'imam يعني إسماعيل الأصفهاني إلزي قال إلزي وعلى المرء محبة أهل السنة في أي موضع كانوا رجاء محبة الله له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتلاقين فيه وعليه بغض أهل البدع في أي موضع كانوا حتى يكونوا ممن أحب في الله وأبغض في الله. نعم انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il a cité cette citation qui explique en fait que al-wala wal-bara ça doit s'appliquer aussi par rapport aux gens de la sunna, et le fait d'aimer les gens de la sunna peu importe où ils sont, en espérant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, c'est quelque chose qui a été établi dans les preuves du Coran et de la sunna. Et le cheikh il mentionne un hadith qui est un hadith qudsi, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est un devoir pour moi d'aimer ceux qui s'aiment en moi, ceux qui se rencontrent pour s'asseoir et rester ensemble en moi, c'est-à-dire en qu'est-ce qui amène mon amour et mon agrément et ce qui se rencontre en moi, c'est-à-dire qui se rencontrent en ce qui amène mon amour, mon agrément, hein, ma satisfaction pour eux. Donc ça, c'est un point qui montre que le fait d'aimer les gens de la sunna, c'est quelque chose qui amène l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un, peu importe où ils sont. Et le fait de également détester les gens de la bid'a, ça fait partie de ça aussi, puisque lorsque tu aimes les gens de la sunna, tu dois obligatoirement par la suite détester les gens de la bid'a. Et peu importe où ils sont, et que ça, ça fait partie d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc on entend souvent les gens parler de al-wala ou al-bara par rapport aux kuffars, par rapport aux juifs, aux chrétiens, aux mushrikines, aux adorateurs d'idoles, ainsi de suite. Mais on ne les entend pas souvent, surtout les hizbiyines, on ne les entend jamais parler de al-wala ou al-bara envers les hizbiyines et envers les gens de bid'a et envers les gens qui suivent différentes sectes et différentes idéologies contraires à la foi de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et à la aqidah de Ahl al-Sunnah et au manhaj d'Ahl al-Sunnah. Donc ça, c'est aussi très très important, de détester toutes les bid'a sans exception et toutes les sectes sans exception et tous les gens qui suivent ces gens-là, de les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer les gens d'Ahl al-Sunnah, les salafiyin. Et on va voir l'exemple de qu'est-ce que le cheikh va mentionner par rapport à ça justement. C'est très très important ce point-là. Donc si tu vois les gens, par exemple les gens de bid'a comme les ikhwan, comme les tablir, et on parle en particulier des gens parmi eux qui sont des du'ats, hein, qui appellent à la voix d'Ahl al-Sunnah, qui sont des du'ats parmi les gens de bid'a qui appellent à des voix de bid'a, comme les gens qui appellent ou qui invitent aux voix des ikhwan, ou qui appellent ou qui invitent à la voix de jama'at ou tablir, ou qui appellent ou qui invitent à d'autres bid'a comme les autres bid'a plus anciennes, les bid'a des asha'ira, des mu'tazila, ou des rafida, ou des khawarij, ou des takfiriyin, ou des groupes de bid'a comme les groupes de yani khawarij contemporains comme les sururiya, les qutbiyin, et également les ikhwan qui font partie de ces gens-là aussi, et également les groupes comme Hizb al-Tahrir ou Jama'at al-Jihad ou d'autres groupes de ces tendances-là, tous ces gens-là font partie des groupes de bid'a, ou bien que ce soit aussi parmi les soufiya, les différents turq soufiya, que ce soit Boutchichiya ou Tijaniya ou Naqshbandiya ou Muridiya ou Brelouiya ou Saharwardiya ou Chaziliya, peu importe, Chistiya, Jistiya, et ainsi de suite. Toutes ces différentes turqs sont des turqs de bid'a, et donc c'est obligatoire pour le musulman de détester ces gens-là par rapport à ces innovations-là qu'ils ont ramenées. De même qu'il faut détester les bid'a comme par exemple la bid'a des Murji'a ou la bid'a des Haddadiya et les autres bid'a contemporaines ou anciennes, sans exception. Donc il faut les détester. Ou bien la bid'a des Jahmiya, et ainsi de suite. Donc, de les détester en tant que groupe, en tant que bid'a, en tant que aqida, et en tant qu'individu aussi. Si ces individus-là sont des individus qui appellent à ces bid'a-là, et s'ils croient en ces bid'a-là, il faut les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils appellent à ces bid'a, ils sont plus dangereux encore que si ce sont des gens qui ont ces croyances-là, mais qui n'appellent pas les gens à les suivre. Et les ulama, ils font une distinction entre ceux qui appellent à la bid'a et ceux qui suivent cette bid'a sans nécessairement appeler les gens à les suivre. Donc ils font une distinction entre les deux. Et c'est sûr que si quelqu'un fait partie du commun des musulmans et qu'il est influencé ou qu'il suit aveuglément certains d'entre ceux qui appellent à cette bid'a-là, eh bien, selon la capacité, selon le niveau de la personne, c'est de son devoir de l'inviter, de l'appeler à la sunna et de lui clarifier les égarements de ces innovations-là, bien entendu. Mais si on voit ou on remarque de la personne que elle refuse ou elle rejette et qu'elle défend la bid'a et qu'elle est passionnément accrochée à cette bid'a ou aux gens de bid'a, dans ce cas-là, si on voit que ça n'amène pas de bien ou de profit, et que la personne commence à jeter des choubouhats ou mettre des doutes dans l'esprit des gens par rapport à ça, dans ce cas-là, on laisse la personne. C'est mieux de laisser la personne, hein, et puis de s'écarter d'elle. Puisqu'on voit que ça n'amène pas de profit ou de bien. Et que ça peut même parfois être nuisible à la personne. Ensuite, donc, le cheikh il dit, وَمَعَ الْأَسَفْ تَجِدُ بَعْضَهُمْ يُعَادِي بِلَادَ الْعِلْمِ وَالسُنَّةِ الَّتِي حَمَى اللَّهُ بِهَا دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ وَيُوَالِي وَيُنَاصِرُ دُوَلًا أَوْ جَمَاعَاتٍ إن سلمت من الشرك الألوهية فهي ملتبسة بلا ريب بالبدع والخرافة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية بأن أصل الدين الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والموالاة فيه والإنذار من الشرك في عبادة الله والمعاداة فيه. ثم قال والمخالفون في ذلك أنواع فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit ensuite donc que malheureusement, on trouve beaucoup de personnes qui opposent le pays du tawhid et de la sunna, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, hein, et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la da'wa du tawhid. Et on voit que donc ces gens-là, ils opposent l'Arabie Saoudite par exemple, qui est le pays de la sunna, et le pays de la science, le pays des ulama, le pays de la da'wah du tawhid, et ils prennent pour alliés et ils défendent des pays ou des groupes. S'ils ont été épargnés du shirk dans l'adoration, malgré ça, on trouve que parmi ces pays-là, beaucoup d'entre eux, ou parmi ces groupes-là, ils sont mélangés avec différentes formes de bid'a et de superstition, différentes formes d'innovation dans la religion. Donc ça c'est si ils ont été épargnés du shirk dans l'adoration. Alors qu'on sait que la plupart de ces groupes ou de ces pays, ils ont des formes de shirk même dans l'adoration. Donc mais le shirk il dit, mais si ces pays-là ils ont été épargnés du shirk dans l'adoration, malgré tout ils ont quand même des différentes formes de superstition et de bid'ah, hein. Et malgré ça ils les défendent et ils les supportent, ces pays. Et ils prennent pour ennemi et ils détestent le pays du tawhid et de la sunna. Et le cheikh il dit, et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, cheikh l'islam, il dit dans Durar al-Saniya, le volume 2 à la page 22, que le fondement de la religion c'est d'ordonner l'adoration d'Allah lui seul, sans partenaire, et de s'allier en cela, c'est-à-dire de s'allier avec les gens par rapport à cette chose-là, et de mettre en garde contre le shirk dans l'adoration d'Allah, donc le shirk qui est fait dans l'adoration d'Allah, et de détester pour cela, ou de détester en cela, c'est-à-dire lorsque des gens font le shirk, on déteste ces gens-là pour le shirk qu'ils font. Puis ensuite le shirk il a expliqué différentes catégories de personnes qui ont contredit ces deux principes-là. Et il dit que ceux qui ont contredit par rapport à ces deux formes-là, ces deux principes-là, ou ces deux bases-là, eh bien, ils sont différentes catégories. Et ceux parmi eux qui ont les plus grandes contradictions par rapport à ça sont les suivantes. Et là, il va énumérer différents cas, ou différents exemples de contradictions. Donc, il dit... parmi ceux-là, ceux qui ont la plus grande forme de contradiction ou d'opposition, c'est ceux qui ont contredit dans les deux. C'est-à-dire, ils ont contredit dans l'ordre, c'est-à-dire, ils n'ont pas appelé à adorer Allah seul, sans partenaire, et ils n'ont pas non plus pris les gens pour alliés par rapport à ça, et ils n'ont pas averti contre le shirk dans l'adoration d'Allah, et ils n'ont pas, ils se sont pas donc désavoués ou pris en animosité, ils n'ont pas pris les gens en animosité par rapport à cette chose-là. Donc ça, c'est ceux qui ont le plus grave, l'aspect le plus grave d'opposition ou de contradiction sur ce plan-là. Et il dit, parmi les gens, il y en a d'autres qui adorent Allah lui seul, mais qui ne dénoncent pas le shirk, qui ne condamnent pas le shirk et qui ne prennent pas en animosité les gens du shirk. Donc eux-mêmes, ils ne font pas le shirk, mais ils ne condamnent pas le shirk de ceux qui le font, et ils ne prennent pas en animosité ceux qui font le shirk également, parmi les mouchriquins. Et il y en a une autre catégorie, ceux qui les prennent en animosité, mais qui ne les déclarent pas kuffar. Hein? Ça aussi, c'est un autre groupe qui ont contredit dans ce point de vue-là. Parce que tu ne peux pas dire je les déteste, mais je ne les déclare pas kuffar, puisque ce sont des mouchriquins et des kuffar. Il y en a parmi d'autres, il y a parmi eux une autre catégorie qui sont une catégorie parmi les plus dangereuses. Hein, c'est la catégorie qui est la plus dangereuse, le Cheikh il dit, c'est ceux qui appliquent eux-mêmes le tawhid, hein, ils agissent selon le tawhid, mais ils ne savent pas sa valeur, n'ont pas connu sa valeur, et ils ne détestent pas ceux qui l'ont abandonné, et ils ne les déclarent pas kuffar. Hein, donc ceux-là aussi, ça c'est le Cheikh il dit, ça c'est la catégorie la plus dangereuse. Il dit parmi eux, il y en a qui ont abandonné le shirk et qui ont détesté le shirk, mais qui n'ont pas connu son danger. Hein? Ils n'ont pas connu son danger. Et ils n'ont pas détesté ceux qui l'ont fait et ils ne les ont pas déclarés kuffar. Et ceux-là, ils ont contredit ce que les messagers et les prophètes ont amené, hein, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Et donc ça, c'est la fin de la citation en question. Maintenant, le cheikh, il va mentionner une autre citation à ce sujet-là. Et c'est une parole du cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Et dans cette parole, il explique la position du muwahhid, celui qui est sur le tawhid, quelle doit être sa position vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Donc le شيخ il dit ثم انظر الى موقف اهل الحق حينما قال سماحه الشيخ ابن باز مبينا موقف كل موحد من هذه الدوله السعوديه قال هذه الدوله التي قامت على مذهب السلف وطبقته في مجتمعها بل قال رحمه الله في شريط فتاوى العلماء في الجماعات وأثرها على بلاد الحرمين من نصر الدعوة يجب أن نساعده ويحب في الله وأن يساعد في دعوته لأنها دعوة الحق دعوة الرسل فمن قام بها وجب أن يساعد وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناؤه وأنصاره وأنواعه وأعوانه من آل سعود وغيرهم فوجب أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد متقدمهم والحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعى له بالتوفيق والهداية وأن يحذر وأن يحذر الناس من نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف من ذا الذي يسلم من ذا الذي سلم وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص كل فيه نقص فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا مصر الشام العراق من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله من أين هم أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسأل الله أن يعينها على كل خير ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال. Donc regardez cette parole du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, comment il explique et comment il parle. Il dit, en expliquant donc la position que chaque musulman, chaque mouahid, chaque musulman qui est sur le tawhid doit avoir par rapport à ce pays qui est l'Arabie Saoudite par exemple. Il mentionne dans son Majmou' Fatawa, le volume 1 à la page 383, il dit ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, qui a été établi sur le madhab des salafs et qui l'a appliqué dans sa société. Donc le Cheikh Ibn Baz, il explique et il mentionne que l'Arabie Saoudite, il a été établi sur la voie des salafs, dans la aqida et dans le manhaj et dans la religion de façon générale, il est établi sur la compréhension des salafs et sur la voie des salafs et qu'il l'a appliqué dans sa société. C'est-à-dire que c'est ça qui est appliqué là-bas dans la société. Mais même entendu, comme le Cheikh il le dit, on va le lire tout à l'heure, il n'y a pas un pays qui est parfait. Il n'y a pas un pays qui est parfait. Sauf que il faut reconnaître le mérite à celui qui possède le mérite. Malgré qu'on voit à notre époque que beaucoup de gens de bid'a et beaucoup de gens de kuffar et de mushrikin et beaucoup d'hypocrites parmi les munafiqines détestent l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite applique justement le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Donc ils détestent l'Arabie Saoudite pour ça, parce que l'Arabie Saoudite défend la aqida des salaf, défend le tawhid, rejette la bid'a, rejette le shirk et combat également toute tradition ou coutume ou pratique qui est contraire à la voie des salaf al-salih ou au Coran et à la Sunna de façon générale. Et que ce soit des traditions ou des choses qui viennent de l'Occident ou de l'Orient, du moment que c'est contraire au Coran et à la Sunna, ils le rejettent. Et ça, c'est qu'est-ce qui est supporté par le Coran et par la Sunna et par l'Islam de façon générale. Donc le Cheikh il dit ensuite, Cheikh Ibn Baz, dans une cassette qui a été enregistrée, c'est un recueil de fatwa des ulama au sujet des groupes et de leurs effets néfastes dans les pays de la Mecque et de Médine, le pays de l'Arabie Saoudite qui englobe donc ces deux terres saintes. Donc le Cheikh il explique, il dit toute personne qui défend la da'wah, il est obligatoire de les aider et de les aimer pour Allah. Et il doit être aidé dans sa da'wah parce que c'est la da'wah de la vérité, c'est la da'wah des messagers. Donc celui qui s'est levé pour établir cette da'wah, la da'wah du tawhid, la da'wah de la sunna, c'est obligatoire de lui venir en aide, de l'aider. De la même manière que le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à son époque, et ses enfants, et ses supporters, et ceux qui l'ont aidé, parmi les gens de la famille de Al Saoud, et d'autres également, il est obligatoire de faire des invocations pour eux, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et la miséricorde pour eux. Et il faut aider et supporter toute personne qui fait la da'wah après eux. Il faut supporter les premiers d'entre eux comme les derniers d'entre eux. Ceux qui sont présents actuellement parmi eux, il est obligatoire de les aider dans la vérité et sur la vérité, et de faire des invocations pour eux, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux le succès et la guidance. Et il faut avertir les gens de ne pas propager des blâmes ou des défauts, et de propager des choses qui amènent ou qui amènent comme conséquence la division et la divergence. Parce que qui est épargné? Le cheikh dit, qui est épargné? Quelle personne est épargnée de faire des erreurs ou d'avoir des fautes? Quel pays n'a pas de fautes ou de manquements? Chacun, ils ont tous des manquements et des fautes. Donc, le cheikh il dit, donc celui qui déteste ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, eh bien, il a détesté la vérité. Et celui qui a de l'animosité pour ce pays, il a de l'animosité pour le tawhid. Il dit, quel autre pays aujourd'hui a établi le tawhid autour de nous, parmi les pays qui sont dans nos alentours? Quel autre pays a établi le tawhid? L'Égypte? La Syrie? L'Irak? Qui appelle au tawhid aujourd'hui? Et qui juge selon la charia d'Allah et qui détruit les tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah? Quel pays? Qui? Où est-ce qu'ils sont? Hein? C'est quel pays qui a établi la charia aujourd'hui? Il n'y en a pas à part ce pays, c'est-à-dire à part l'Arabie Saoudite, il n'y en a pas d'autres à notre époque. Donc le cheikh il dit, je demande à Allah pour nous et pour ce pays la guidance et le succès et le bien, et la réforme. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner le succès, de retirer et d'enlever tout ce qui est mauvais, et tout ce qui a comme défaut ou manquement. Et il faut également demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce pays le succès et l'aide et le support et la sincérité et le bon conseil pour le pays dans toutes les situations. Donc ça c'est une parole très très intéressante et très importante de la part de Cheikh Ibn Baz par rapport à ce sujet-là, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les takfiriyin et les hezbiyin, en particulier les ikhwan, malgré qu'ils prennent de l'argent de l'Arabie Saoudite sans vergogne, sans gêne et sans honte, mais ils n'osent pas, ils n'hésitent jamais de critiquer pour des choses qui sont des erreurs, qui sont des erreurs qu'on retrouve partout, chez tout le monde. Tandis que les principes de base et les fondements qui sont enseignés et prêchés et supportés et défendus en Arabie Saoudite, c'est des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, puisque on voit que la da'wa du tawhid, comme le cheikh il l'explique, on la retrouve pas dans d'autres pays, de même que l'application de la charia, et on la retrouve pas non plus dans d'autres pays à notre époque. Donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération dans la façon dont on analyse et on juge, parce que si vous regardez la façon dont certains hezbiyin analysent les pays, ils ne jugent pas selon les principes de la charia et selon le Coran et la Sunna et selon Al-Wala ou Al-Bara et selon le Tawhid. Non, ils jugent selon les questions qui ont rapport avec la politique et l'économie, et ils vont dire par exemple tel pays il est bon. En plus, ce sont des musulmans qui disent ça. Ce sont des gens qui se disent musulmans. Ils disent, tel pays, il est bon parce qu'il applique la démocratie. Et l'autre pays, il n'est pas bon parce qu'il n'applique pas la démocratie. Donc, c'est devenu pour ces musulmans-là le point de repère ou la référence par rapport à qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, et qu'est-ce qui est bien d'appliquer par rapport à qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans. C'est pas le tawhid, c'est pas la aqidah, c'est pas l'islam. C'est pas la charia, c'est devenu les valeurs des koufars, c'est devenu les principes des koufars. Et ils sont tellement aveuglés par ces idées et par ces principes-là qu'ils ne sont même pas capables de voir ou de comprendre les erreurs et les oppositions à l'islam qui existent dans ces systèmes que les kuffars ont inventés. Alors ils sont venus à l'idée que qu'est-ce qui existe maintenant comme système politique et économique chez les kuffars, c'est ça qui est la règle, c'est ça qui est la base et c'est ça l'idéal à suivre. Et ils ne prennent même pas en considération les effets néfastes et négatifs qui existent dans ces systèmes-là et le fait que ces systèmes, justement, sont en opposition et en contradiction totale et fondamentale avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Donc ils ne prennent même pas ça en considération. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens comme les Ikhwan, par exemple, ou bien comme par exemple... Tariq Ramadan et d'autres qui font l'éloge de l'Iran, par exemple, et qui disent que l'Iran c'est un bon exemple d'un État islamique, et qui ont fait l'éloge de la révolution des Rafidah, établie par Khomeini, et qui ont mentionné ça comme un exemple pour les autres pays musulmans, alors que c'est un pays où, dans lequel on adore les tombes, et on prie les morts, et on élève des hommes au niveau de divinité. Comme les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les adore en dehors d'Allah, on fait des mosquées sur leurs tombes, on fait des pèlerinages aux morts, et ça c'est quelque chose qui fait partie de la religion officielle là-bas, chez ces gens-là qu'on appelle les Rafidah, sans compter le fait qu'ils insultent les Sahaba et qu'ils ont une croyance fausse à propos de plusieurs principes de l'islam, comme par exemple le fait qu'ils ne croient pas que le Coran actuel ce soit le vrai Coran, ou bien le fait qu'ils insultent les Sahaba et les mères des croyants, ou le fait qu'ils ne croient pas en Al-Qadar, et qu'ils nient les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et beaucoup d'autres égarements qu'ils ont dans leur aqidah. Donc ça c'est des exemples comment ces gens-là, ils ne jugent pas selon les principes de l'islam, mais ils jugent selon les principes maintenant des kuffars, et même ceux qui ont fait les révolutions dans les pays arabes, ils ont tous appelé au nom de la liberté, de l'égalité, des droits de l'homme et de la démocratie, à faire ces choses-là. Alors que même s'ils le faisaient au nom de l'islam, ce serait rejeté parce que c'est contraire à l'islam de faire ce genre de révolution-là, puisque l'islam nous ordonne d'écouter et d'obéir à nos dirigeants, même lorsqu'ils sont injustes, de les écouter et de les obéir dans le bien. Et lorsqu'ils nous ordonnent un péché, on ne leur obéit pas dans le péché, mais dans le reste, on continue quand même à obéir et à écouter et à être patient et à donner le bon conseil de façon islamique, en accord avec la sunna, en donnant la nasiha en privé au dirigeant lorsqu'il fait des erreurs pour lui donner le bon conseil. Ça, c'est la façon islamique, mais de faire selon les méthodes du kuffar, ça c'est contraire à l'islam. Donc on a un exemple. Et ici le cheikh il donne un point ici dans la note de bas de page. Il dit وَهَذَا هُوَ مَنْهَجُ أَئِمَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ سَابِقُهُمْ وَلَاحِقُهُمْ مَعَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْمُبَارَكَةِ وَانْظُرْ لِذَلِكَ مَا كَتَبْتُهُ فِي كِتَابِ الْآخَرِ عَنْ بَرَاءَةِ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مِنْ مَنْهَجِ التَّكْفِيرِ عِنْدَ ذِكْرِ مَنْهَجُ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ في حفظ الأمن بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور. Donc le cheikh il dit que ça a été toujours le manhaj des imams de cette da'wa depuis les premiers jusqu'à ceux qui ont suivi par la suite vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Ça a toujours été ça leur position, et il réfère les gens à retourner à son autre livre qu'il a écrit, qui s'intitule donc le désaveu de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab vis-à-vis du manhaj de takfir. Donc ça c'est un autre livre qu'il a écrit. On avait mentionné que il avait écrit ce livre là donc ça c'est, comme on avait dit, un autre exemple de référence. Le Cheikh il commente ensuite ce passage qu'on a lu de la parole de Cheikh Ibn Baz en disant أقول ولقد أخذ الشيخ رحمه الله هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار لأن كل من نصر الله به التوحيد فحبه إيمان وبغضه نفاق ولو أخطأ لأن لأن الأنصار ليسوا بمعصومين بل صدر من بعضهم ألفاظ خطيرة مثل ما روى مسلم في صحيحه يوم فتح مكة لما قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذن أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ومثله لما قالوا حين وزعت الغنائم على الكفار تأليفا لهم والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم رواه الشيخان وكل ذلك بسبب سابقتهم في نصرة الدين والتوحيد Donc le cheikh il explique, il dit pourquoi le cheikh bin Baz rahimahullah il dit que celui qui déteste ou qui a opposé ou qui a pris en animosité ce pays, l'Arabie Saoudite, il a détesté la vérité et celui qui a de l'animosité envers ce pays, il a de l'animosité envers le tawhid. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Cheikh Ibn Baz il dit ça? Le Cheikh il explique. Il dit, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a pris cette parole de ce qui a été dit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, qui dit que un signe de la foi, c'est l'amour des Ansar. Et un signe de l'hypocrisie, c'est la haine des Ansar. Donc ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, toute personne qui défend la religion d'Allah par le tawhid, alors le fait de l'aimer, ça fait partie de la foi. Et de le détester, ça fait partie de l'hypocrisie. Même si cette personne qui a défendu la religion d'Allah a fait des erreurs. Il donne l'exemple. Il va donner des exemples, mais c'est pour expliquer que le mot Ansar, hein, Ansar ça veut dire ceux qui défendent, hein, les défenseurs ou les supporters. Donc, les Ansar, c'est ceux qu'on connaît, ceux qui ont accueilli les Muhajirines, les habitants de Médine. Mais en même temps aussi, c'est toute personne qui défend et qui supporte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit comme si toute personne qui défend la religion d'Allah et qui défend le tawhid, eh bien, si tu l'aimes pour ça, eh bien, ça fait partie de la foi. Et si tu le détestes pour ça, ça fait partie de l'hypocrisie aussi. Même s'il a des erreurs, il a certaines erreurs. Le cheikh, il dit parce que les Ansar, ils n'étaient pas infaillibles. Et il dit qu'il y a certaines paroles qui ont été dites de leur part, qui étaient des paroles très graves. Il donne l'exemple, qu'est-ce qu'il rapportait dans le Sahih, le jour de la conquête de Mecca. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'il est rentré à la Mecque, il y a eu la conquête de la Mecque, il est rentré, et il a dit, celui qui rentre dans la maison de Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui qui laisse, qui jette son épée ou qui jette son arme, c'est-à-dire il ne porte pas son arme contre nous, il le jette par terre, il est en sécurité, c'est-à-dire on ne va pas le toucher. Celui qui ferme sa porte, il est en sécurité. Et donc, ça c'est des exemples que le prophète, quand il est rentré à la Mecque, c'est ça ce qu'il a dit aux gens. Hein? Il n'a pas commencé à tuer tout le monde puis à massacrer, non. Malgré qu'il avait la capacité, il avait le nombre de... Il avait les combattants avec lui, il avait les armes, il avait tout. Non, c'est le messager de la miséricorde. Hein? Donc quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui qui jette son arme, il est en sécurité. Celui qui ferme sa porte, il est en sécurité. Alors les Ansar, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit, l'homme, il a été pris de sollicitude pour sa famille, pour sa tribu, pour son peuple. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de Mecca et il fait partie de Quraysh. Donc les Ansar ont dit, il a été pris de sollicitude pour sa famille et d'amour pour sa ville, hein, pour sa ville natale. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez dit que, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit en parlant de moi que j'ai été pris de sollicitude pour ma famille et que j'ai été pris d'amour pour ma ville natale. Alors il dit, dans ce cas-là, quel est mon nom? Il a dit, alors dans ce cas-là, quel est mon nom? Il a dit, je suis Muhammad, fils d'Abdullah. Je suis Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur d'Allah et son messager. C'est ça, il a dit, je suis Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. J'ai émigré pour Allah, vers Allah. J'ai émigré, j'ai fait la hijra vers Allah et vers vous. Et ma vie, falmahya, donc la vie, c'est avec vous. Et la mort, c'est avec vous. Ou bien la vie, c'est votre vie. Et la mort, c'est votre mort. En voulant dire, je reste avec vous dans la vie et dans la mort. Hein, selon ce que je comprends ici de cette expression. Falmahya. Mahyakum wal mamat mamatukum. Après, il a dit, ils ont dit, hein, les Ansar, ils ont compris qu'ils avaient dit cette parole-là, que c'était une erreur. Alors, ils ont dit, par Allah, on a dit ça seulement par jalousie. Pour Allah et son messager. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, alors sachez que Allah et son messager vous ont cru et ils vous ont excusé de cette parole. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans le Sahih, dans Kitab al-Jihad, selon Abi Huraira. Donc ça c'est un exemple, tu vois, qu'ils ont fait par exemple une erreur en disant ça, puis qu'ils ont été excusés par la suite. Puis l'exemple aussi, lorsqu'ils ont dit, lorsqu'on a distribué les butins de guerre, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distribué le butin aux kuffars pour les rapprocher de l'islam. Alors eux, les Ansar, ont dit, par Allah, ça c'est une chose étonnante. Nos épées coulent encore avec le sang de Quraysh, et nos butins sont distribués vers eux et sont retournés vers eux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous n'êtes pas satisfait que les gens retournent avec les butins vers leur maison, tandis que vous retournez avec le messager d'Allah vers vos demeures, hein? Et il dit, si les Ansar passent dans une vallée, Je passerai dans la vallée des Ansar et dans leur rue et dans leur chemin. En voulant dire, moi je reste avec vous, tandis que eux ils repartent avec le butin seulement. Donc est-ce que vous n'êtes pas satisfait que eux ils ont les butins et moi je reviens avec vous? C'est avec vous que je vais être. Donc ça c'est rapporté également par Al-Bukhari Muslim. Et donc pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répond de cette façon aux Ansar et pourquoi il leur dit ça? C'est parce que ils ont un privilège. Les Ansar ont le privilège d'avoir défendu la religion et d'avoir défendu le tawhid avant tout le monde. et d'avoir précédé tous les autres dans la défense de l'islam et du tawhid. Et donc ce mérite qu'ils ont et ce privilège qu'ils ont dans l'islam, hein, ça couvre des fautes ou des erreurs qu'ils peuvent commettre parfois. Hein. Donc lorsqu'on voit par exemple les exemples comme un pays comme l'Arabie Saoudite ou un pays qui défend le tawhid et l'aqida du tawhid et la sunna et qui combat la bid'a et le shirk, peut-être qu'on va trouver par exemple certaines fautes, certaines erreurs qui se passent sur le plan économique ou sur le plan sur des plans politiques ou sur des plans sociaux. On va trouver des erreurs ou des choses qui sont pas bien, mais si on regarde de façon générale en prenant en considération tout l'effort qu'ils ont fait pour la da'wa, pour l'islam, pour établir le tawhid, pour combattre le shirk, pour établir la sharia, pour combattre la bid'a et ainsi de suite, hein, et pour propager la sunna dans l'Arabie Saoudite et dans le monde entier, on voit que ces fautes-là qu'on les critique, il y en a des choses qu'on leur reproche parmi ces erreurs, sont petites, hein, sont petites par rapport à ces fautes-là, parce qu'ils ont un grand mérite, hein, que peu de pays ont par rapport à ces choses-là. Et si la personne qui a de la rancune, de la rage, de la haine contre l'Arabie Saoudite, à cause de péchés de certains individus, que certains individus ont pu faire. Par exemple, il y en a qui disent, oh, il y a des gens de l'Arabie Saoudite qui viennent dans mon pays, qui font tel péché, ou qui font telle chose qui sont pas bonnes. Et à cause de ça, ils détestent le pays au complet, et tous les habitants, sans exception. Donc ça, c'est de l'injustice. Hein? Ça, c'est de l'injustice. Parce que tu peux trouver ça de n'importe quel pays, de n'importe quel, hein, habitant. Tu vas trouver des gens qui font du mal. Hein? Et c'est pour ça que de généraliser un verdict sur des choses comme ça, c'est malhonnête. De même qu'en plus, si on, comme je dis, si on prend en considération tout le bien qu'ils font, et ainsi de suite, on voit que c'est du bien. Comme l'autre jour, j'étais en train de discuter, puis là, il y a quelqu'un qui disait, l'Arabie Saoudite, ils n'ont jamais rien fait pour la Palestine. Hein? Ils n'ont jamais rien fait pour la Palestine. J'ai dit, subhanallah, est-ce que tu t'es renseigné à ce sujet-là? Tu ne sais pas combien de millions ils donnent pour la Palestine depuis des décennies? Donc, avant de dire des choses comme ça, hein, c'est mieux que la personne se taise au lieu de dire n'importe quoi sans connaissance. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Comment, des fois, la haine, c'est souvent les propagandes qui sont propagées par les ennemis de la sunna, par les ikhwan et par d'autres. Et les gens de la masse entendent ça, parce que c'est les imams qui propagent ça, et des prêcheurs qui propagent ça, qui sont des ennemis de la sunna, ils propagent ça, et les gens entendent ça, et ils commencent à développer cette rage ou cette haine contre l'Arabie Saoudite à cause de ces gens qui appellent, hein, à leur bid'a et à opposer justement l'Arabie Saoudite. Et parfois, ils n'osent pas dire pour quelles raisons ils détestent l'Arabie Saoudite, parce que parfois ce sont des soufis, parfois ce sont des mubtadi'a qui appartiennent à différentes sectes, et ils savent que l'Arabie Saoudite défend le tawhid et la sunna. Donc, étant donné qu'ils ont la rage contre l'Arabie Saoudite pour ces raisons-là, mais ils veulent pas le dire aux gens. Parce que s'ils disent ces choses-là aux gens, les gens vont réaliser, hein, qu'ils ont des bid'a ou des oppositions à la sunna. Donc, ou qu'ils ont même du shirk parfois. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils camouflent cette haine qu'ils ont sur le plan de la aqidah et du manhaj, ils le camouflent par d'autres excuses et d'autres prétextes, comme par exemple des prétextes sur le plan économique ou matériel. Puis ils vont dire, ah ben eux, ces gens-là, ils ont ça, ils ont le pétrole, et puis ils font pas ci, ils font pas ça, ils font ci, ils font ça, et ils vont essayer de faire croire aux gens que c'est pour ça, alors qu'au fond, c'est pour vraiment quelque chose de beaucoup plus grave, c'est par rapport au fait qu'ils détestent la aqidah du tawhid et la sunna. Et parfois, ce sont parce que ce sont des laïcs, hein, des laïcs, des gens qui détestent qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est dans la Sunna, et qui détestent que la charia soit appliquée, et qui rejettent la foi en Allah et au messager, et quand ils voient que en Arabie Saoudite par exemple il y a l'application de l'islam, ça les enrage, alors ils détestent l'Arabie Saoudite parce qu'elle applique la charia, hein, et eux ils rêvent que l'Arabie Saoudite soit un pays de kufr, un pays laïque démocrate où il y a pas de, où on distingue pas entre le kufr et l'iman, entre le shirk et le tawhid, et où on ne distingue pas entre les péchés, hein, et qu'on n'interdit pas qu'est-ce qui est haram et qu'on permet tout ce qui est, ils veulent qu'on permette tout ce qui est haram et contraire à l'islam. Donc ça c'est des exemples. Donc le vrai mu'min, le vrai muwahhid, celui qui est sur la sunna, au contraire, il aime l'Arabie Saoudite, il défend l'Arabie Saoudite pour le bien qu'il y a là-bas et pour le tawhid. Il fait des du'as pour l'Arabie Saoudite. Et donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si tu fais ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent les Hizbiyyins? Ah, lui, celui-là, il est payé par l'Arabie Saoudite pour dire ça. Hein? Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un, hein, fasse ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, par foi en Allah et par amour pour Allah, sans intérêt pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne voient la religion que pour des intérêts matériels et des affaires économiques, des raisons économiques, hein, et pour faire de l'argent et pour avoir du pouvoir. Donc ils s'imaginent que tout le monde sont comme eux, hein, et que tout le monde font des choses uniquement pour de l'argent ou pour du pouvoir. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc ça c'est le premier point par rapport à l'importance ou le degré de le statut de al-wala ou al-bara dans l'islam. C'est que le premier point c'était que c'est relié ou c'est la même signification que la signification de la ilaha illallah. Ça c'était le premier point qui montre son importance. Et on a cité plein d'exemples à ce sujet-là. Le deuxième point que le cheikh a mentionné, c'est que al-wala ou al-bara c'est une condition de la foi. Donc ça c'est, c'est-à-dire que celui qui n'a pas al-wala ou al-bara, il lui manque une condition de sa foi. Sa foi, elle n'est pas, hein, il n'a pas de foi. Le cheikh il mentionne des preuves à ce sujet-là. Et الثاني أن الولاء والبراء أن الولاء والبراء شرط في الإيمان كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب دل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه انتهى كلامه وهذه ليست في أهل الكتاب فقط كما ينزله بعض الناس بل شاملة لجميع أهل الكفر الأصليين كاليهود والنصارى أو المنتسبين للإسلام ممن يعبدون الطواغيت ويدعون الأولياء ويذبحون للقبور ويسألون أهلها المدد ومع ذلك يواليهم كثير من الناس وينصرونهم ربما على أهل التوحيد ويدافعون عنهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Donc le cheikh il mentionne dans le point numéro 2 que al-wala wa al-bara donc c'est une condition dans la foi, et il mentionne comme preuve de ça le verset dans sourate Al-Ma'ida, le verset 81 et 82, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset 80 et 81, pardon, 80 et 81, « Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils s'éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Hein? Donc, le cheikh, il dit, hein, il mentionne ça, puis il dit ensuite que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 7 à la page 17, il explique ce verset-là en expliquant que dans cette phrase, dans la phrase qui est mentionnée dans le verset, il y a une condition qui montre que si la condition est présente, hein, eh bien, qu'est-ce qui est impliqué sera présent. Mais si la condition est absente, eh bien, qu'est-ce qui est impliqué sera absent également. C'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si ils avaient cru en Allah et au prophète et en ce qui a été révélé, hein, sur le prophète, ils ne l'auraient pas pris, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Hein? Donc ça, c'est la preuve que s'ils avaient cru, ils n'auraient pas fait ça. Ils n'auraient pas pris les koufars pour alliés. Mais puisqu'ils les ont pris pour alliés, ça veut dire qu'ils sont, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru. Donc c'est ça que le cheikh essaie de montrer. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. Donc le cheikh dit ça, c'est la preuve que la foi qui est mentionnée, elle nie le fait de prendre pour alliés les kuffars, hein, et elle oppose le fait de prendre pour alliés les kuffars. Et donc on peut pas réunir la foi et le fait de prendre pour alliés les koufas dans le cœur d'une même personne. C'est pas possible. Tu peux pas mettre dans le cœur de quelqu'un la foi et le fait d'aimer les koufas et de les prendre pour alliés, de les prendre pour alliés dans le cœur d'un croyant. C'est pas possible. Et il y a la preuve également que celui qui les prend pour alliés, il n'a pas la foi obligatoire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas la foi obligatoire parmi la foi en Allah et au prophète et ce qui a été révélé sur lui. Donc ça, c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et le Cheikh, il dit donc que ça, c'est pas seulement par rapport aux gens du livre, hein, comme certaines personnes l'appliquent ou essaient de l'appliquer, mais ça comprend tous les gens qui sont sur le kufr, parmi les kuffar l'asliyin, que ce soit les juifs ou les chrétiens, ou les autres kuffar et les mushrikin, ou bien ceux qui se prétendent appartenir à l'islam parmi eux, parmi les mushrikin qui prétendent appartenir à l'islam et qui adorent des idoles ou des tombes, ou qui invoquent les saints, qui appellent les saints en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sacrifient des offrandes à leurs tombes, ou ainsi de suite, et qui demandent à ceux qui ont été enterrés dans ces tombeaux-là le support et l'aide, hein, et des choses de ce genre. Donc tu vois que beaucoup de gens prennent ces gens-là pour alliés et les défendent contre les gens qui sont, même parfois contre ceux qui sont sur le tawhid, hein, et contre ceux qui appellent au tawhid, et ils les défendent contre les gens qui appellent au tawhid. Donc ça, c'est une preuve que ces gens-là, ils n'ont pas la foi, hein, ils n'ont pas une foi réelle. Hein, soit que si c'est parce qu'ils les aiment, parce qu'ils aiment le shirk, donc ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas de foi du tout, mais s'ils les défendent pour quelque chose autre que pour ça, c'est-à-dire pour des choses de la dunya ou des choses comme ça, dans ce cas-là, c'est haram, qu'est-ce qu'ils font, c'est un grand péché, hein, et c'est très dangereux, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement pas des croyants dans ce cas-là, mais c'est quelque chose de très grave. C'est quand même quelque chose de très grave parmi les grands péchés, et c'est très dangereux. Et le cheikh il termine en citant le verset 43 dans sourate Al-Qamar. Et donc il mentionne le verset Akuffarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fi az-zubur. Donc c'est 43 dans sourate Al-Qamar. Et là, donc ça dit: vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là, ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? C'est-à-dire que vos mécréants, c'est-à-dire les mécréants de maintenant, là, de notre époque, sont-ils meilleurs ou les mécréants des prophètes de l'époque où les prophètes étaient venus à leur peuple avant? Est-ce que ces mécréants-là sont meilleurs, ou bien eux, ils ont une immunité contre un châtiment pour vous? Donc il n'y a pas d'immunité pour vous. Il n'y a pas d'immunité pour les mouchriquins et les koufars. Les koufars, c'est les koufars, peu importe l'époque. Hein, parce qu'il y en a qui pensent que les koufars, c'est juste ceux qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les mouchriquins, ils pensent que c'est juste ceux qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que tu vas voir parmi les hizbiens ou les ikhwan, par exemple, quand ils parlent de l'islam, et quand ils parlent des koufars, ils vont jamais dire koufars, même. Ils disent très rarement, c'est très rare qu'ils vont dire les koufars. Hein. Et ils vont pas dire les mouchriquins. Hein, utiliser le terme kuffar et mushrikin. Ils parlent pas ils n'utilisent pas les termes qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et quand ils mentionnent ces termes-là, c'est comme s'ils disent, on ne sait pas c'est qui. Hein. Les kuffars, on ne sait pas c'est qui. Les mushrikin, on ne sait pas c'est qui. C'est juste un type de personne qui existait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'existent plus aujourd'hui. Hein. Ils sont tous morts. Hein. Non. Les kuffars, c'est toute personne. Hein, qui fait un acte de kufr ou qui a une croyance de kufr, peu importe l'époque. Celui qui rejette un des piliers de la foi ou un des éléments parmi les éléments qui font partie des piliers de la foi, il est un kafir, peu importe l'époque. Et le mushrik, c'est celui qui adore autre que Allah et qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, peu importe à l'époque. Hein? Donc ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas. Si tu leur dis que les juifs sont des koufars ou que les mécréants sont que les chrétiens sont des koufars et des mouchriquins, ils disent non, mais non, tu ne peux pas dire ça, astaghfirullah. Hein? Ou même si tu dis par exemple que des gens qui adorent des tombes, qui adorent des morts, c'est des mouchriquins, ils disent non, mais tu ne peux pas dire ça. Hein? Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire que c'est des mouchriquins. Mais pourquoi je ne peux pas dire ça? C'est ça que Allah il dit dans le Coran. Donc si tu dis c'est juste comme des gens qui existaient à l'époque, ça c'est la preuve que tu limites le Coran à une époque spécifique, comme les laïcs qui pensent que tout ce qui est dans le Coran c'était juste révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que ça s'applique plus aujourd'hui. Hein, que c'était révélé seulement pour un contexte. Hein, qui veulent pas l'appliquer à notre époque. Ça, c'est de l'égarement. Ils essaient de tout ramener à une explication de cette façon. Chaque fois que tu ramènes un verset dans le Coran ou un hadith, ils te disent « Oh, mais non, mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça, c'est plus pareil parce que c'est pas la même chose. Hein. » Les femmes, elles devaient se voiler à l'époque parce qu'il y avait des guerres. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Donc, il n'y a plus besoin de porter le voile. Ça, c'est des exemples qu'on voit. Premièrement, c'est pas vrai, il y a encore des guerres aujourd'hui, même parfois plus sauvages que les guerres de l'époque. Et en plus, le verdict, la règle du hijab, elle n'a même pas de rapport direct avec la guerre. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne aux femmes de se couvrir et de se voiler, il n'a pas dit voilez-vous parce qu'il y a la guerre. Il a dit vous couvrez hein, vos parures et ne laissez pas paraître de vos parures, excepté ceux qui en paraît de accepter devant vos familles, ainsi de suite, certains proches, et ainsi de suite. Dans les versets, c'est clair. Et l'ordre de rabattre le djilbab, hein, de mettre le djilbab, et ainsi de suite, ça c'est clair dans le Coran. C'est pas relié à une explication comme ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent. Et la même chose pour les exemples qu'on a mentionnés par rapport au kufr et au shirk. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit dans le Coran, les kuffars et les mushrikines, c'est seulement ceux qui sont aujourd'hui là. Mais après, ceux qui vont venir dans les siècles qui vont suivre, ce ne seront pas des kuffars et des mushrikines. Ceux-là. Là, Allah il ne dit pas ça, tu vois. Donc ça, c'est comme parfois comment certains essaient de déformer la religion. Bon, on a fini maintenant avec le deuxième exemple, le deuxième point, qui montre l'importance de Al-Wala wal-Bara. Maintenant, un autre point que le cheikh il a mentionné, c'est le point numéro 3, et c'est le dernier qu'il mentionne, il y en a 3 seulement, ben, parmi ceux qu'il a mentionné. C'est Anna al-Wala wal-Bara awsaqu'ura al-Iman. Donc, Al-Wala wal-Bara, c'est l'anse la plus solide de la foi, l'aspect la plus solide de la foi. Et il mentionne donc que le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, c'est la partie la plus ferme, la plus solide, la plus fidèle de la foi. Et il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Qala sallallahu alayhi wa sallam, thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه الشيخان وقال البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحب في الله والبغض في الله من الإيمان قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله ولفظ أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وللترمذي حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وزاد أحمد فيه ونصح لله وزاد في أخرى ويعمل لسانه في ذكر الله وله عن عمرو بن الجموح بلفظ لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ولفظ البزار رفعه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وسيأتي عند المصنف Ayatul Iman, Hubbul Ansar. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son sahih, il dit qu'il y a trois choses, trois caractéristiques. Celui qui les retrouve en lui-même, il goûtera à la douceur de la foi. Premièrement, la première chose, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il déteste revenir à la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. Et ça, c'est rapporté, donc, comme j'ai dit, par Al-Bukhari et Muslim. Il y a un autre hadith, il y a une autre parole, il dit que l'imam al-Bukhari, il a mentionné dans un de ses chapitres, la parole au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam est bâti ou établi sur cinq piliers. Et il mentionne dans cette introduction, dans ce chapitre, et il mentionne parmi ces éléments, l'amour en Allah et la haine en Allah fait partie de la foi. Hein, donc ça c'est dans Kitab al-Iman, dans Sahih al-Bukhari, dans le titre de ce chapitre. Et il dit donc que le cheikh Al-Hafidh ibn Hajar, c'est celui qui a écrit le commentaire de Sahih al-Bukhari, donc Ibn Hajar al-Asqalani, un des grands savants de hadith, qui a écrit justement un commentaire du Sahih al-Bukhari, il dit dans le volume 1 à la page 60 dans Fath al-Bari que la parole de l'imam al-Bukhari lorsqu'il dit lorsque l'imam al-Bukhari mentionne cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'amour en Allah et la haine en Allah font partie de la foi, il dit que ça c'est une parole qui est tirée d'un hadith rapporté par Abu Daoud selon Abu Umama. Et dans le hadith, et dans un hadith également rapporté selon Abi Zar, et les mots du hadith sont les suivants, que les meilleures actions, la meilleure des actions, c'est d'aimer pour Allah, ou d'aimer en Allah et de détester en Allah. Parmi les meilleures actions, il y a le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Et dans les mots de Abi Umama, dans la version de Abi Umama, il dit, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah et qui donne pour Allah et qui retient pour Allah, il a complété sa foi. Il a complété la foi. Et dans la version de l'imam At-Tirmidhi, le hadith de Mu'az ibn Anas, il est semblable à la version de Abi Umama. Mais l'imam Ahmad a ajouté aussi dans sa version wa nasaha lillah, et qu'il a été sincère envers Allah. Et il a mentionné dans une autre narration aussi, et il utilise sa langue dans le rappel d'Allah. وَيَعْمَلُ لِسَانُهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ. Il emploie sa langue dans le rappel d'Allah. Et il mentionne une autre narration également selon Amr ibn al-Jamuh qui dit, et le serviteur ne trouvera pas la clarté de la foi tant qu'il n'a pas aimé pour Allah et détesté pour Allah. Et dans une autre narration rapportée par Al-Bazzar, il dit que la lance la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et la haine en Allah. Et il dit que l'auteur également, il a mentionné aussi, il parle de l'imam al-Bukhari, qu'il va également citer le hadith que le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Un des signes de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Et un des signes du nifaq, de l'hypocrisie, c'est de détester les Ansar. Ensuite, il mentionne quelques paroles des ulama à ce sujet-là. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادى إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه وإنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين انتهى كلامه. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية il dit dans مجموع الفتاوى le volume 8 à la page 337. Il dit que la réalisation du témoignage du tawhid implique que tu ne dois pas aimer excepté pour Allah. Et tu ne dois pas détester excepté pour Allah. Tu ne dois pas prendre pour allié excepté pour Allah. Ni de détester ou de prendre en animosité, de prendre un ennemi excepté que ce soit pour Allah. Et tu ne dois pas, tu dois aimer ce que Allah aime. Et détester ce que Allah déteste, et ordonner ce que Allah ordonne, et interdire ce que Allah interdit. Et tu ne dois pas espérer excepté en Allah, et tu ne dois pas craindre excepté Allah, et tu ne dois pas demander excepté Allah, excepté demander à Allah. Et ça, c'est la religion d'Abraham, et c'est ça l'islam, avec lequel Allah a envoyé tous les messagers. Fin de la citation. Maintenant, il dit wa qala al-allama ibn al-qayyim fi shifa al-alil wa hadha al-hubb wal-bughd tahqiq shahadati an la ilaha illa Allah wa huwa ithbat ta'alluh al-qalb lillah wa mahabbatihi wa nafy ta'alluhih lighayrihi wa karahatihi fala yakfi an ya'bud Allah wa yuhibbah wa yatawakkal alayhi وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne cette parole, on l'a lu déjà, c'est dans Shifa al-Alil, le volume 1, la page 170. Il dit que ça, c'est le fait d'aimer et de détester, c'est quelque chose qui amène à réaliser la signification du témoignage de la ilaha illallah, d'aimer et de détester. Et c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il dit, ça, c'est d'affirmer que l'adoration du cœur doit être uniquement pour Allah. Hein? Et l'amour du cœur doit être uniquement pour Allah. Et la négation de tout ce que le cœur adore en dehors de lui. Hein? La négation de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de détester cela. C'est-à-dire détester ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il dit que c'est pas suffisant qu'un serviteur adore Allah et qu'il aime Allah et qu'il mette sa confiance en Allah et qu'il se repente. Et qu'il revienne en repentance à Allah, et qu'il craigne Allah, et qu'il met son espoir en Allah, jusqu'à ce qu'il abandonne l'adoration d'autre que Allah. Et le fait de mettre sa confiance en autre que Allah, et de se repentir vers autre que Allah, ou de craindre et d'avoir l'espoir en autre que Allah, et de détester cela. Donc ça veut dire que, c'est pas suffisant juste de dire que tu adores Allah. Il faut pas seulement dire j'adore Allah. Il faut abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et détester qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah et détester d'adorer d'autres que Allah. Donc il faut qu'il y ait pas seulement l'amour, mais l'amour et la haine ensemble. Hein? L'amour du tawhid et la haine du shirk. Et l'amour de ceux qui appliquent le tawhid et la haine de ceux qui appliquent le shirk. C'est ça que ça signifie. Et le shaykh, il dit, waqala al-shaykh Sulayman. C'est des choses qui sont vraiment, en réalité, c'est des choses qui sont des bases, des choses élémentaires dans la foi, des choses fondamentales dans la foi de base. Et qui sont en même temps, sur le plan de la compréhension, très très simple à comprendre, très très, il est facile à comprendre. Pourtant, c'est devenu quelque chose pour certains qui est tellement compliqué. Et on se demande pourquoi parfois. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque dans laquelle on vit, les gens sont habitués à l'hypocrisie. On vit dans une époque où les gens sont habitués à l'hypocrisie et à ne pas dire la réalité telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent c'est comme ça. Les gens font semblant d'aimer quelque chose ou font semblant de détester quelque chose, hein? Mais parfois ils vont montrer qu'ils aiment alors que dans leur cœur ils détestent, et parfois ils vont montrer qu'ils détestent alors que dans leur cœur ils aiment. Et c'est comme on dit maintenant, on est à l'époque du politically correct. Il faut juste dire qu'est-ce qui est politiquement correct, même si c'est contraire à la vérité, même si c'est contraire à la réalité. Et ça, c'est en grande partie, ça vient du fait que les gens se réfèrent au système de la démocratie. Et étant donné, dans la démocratie, souvent c'est comme ça. C'est que pour être élu en démocratie, il faut avoir la majorité des votes. Et donc, pour avoir la majorité des votes, il faut plaire. Et pour plaire, eh bien, il faut éviter de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que sinon, les gens ne vont pas être intéressés. Qu'est-ce qu'on dit? Donc les gens vont commencer à dire les choses d'une façon pour faire plaisir à tout le monde et d'éviter de dire des choses qui vont déplaire. Hein? Donc, si tu dis la vérité telle que c'est marqué dans le Coran, hein, et que ça ne plaît pas à la majorité, donc ça ne marche pas. Hein? Donc il faut déformer la réalité puis dire les choses selon la façon que les gens aiment. Et ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le contraire de la da'wa des prophètes. Les messagers d'Allah, quand ils ont fait la da'wa, ils n'ont jamais procédé de cette manière-là. Ils ont dit le message d'Allah comme Allah a voulu que ce message-là soit transmis. Et les choses sont clarifiées de cette façon, avec sagesse, également avec une bonne exhortation, avec sagesse, mais en même temps, les choses étaient claires. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans leur da'wah. Hein? Contrairement à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la da'wah des gens de bid'a et des hizbiyin, justement à cause du manque de clarté, à cause du fait qu'ils veulent rentrer dans le jeu des kuffars et de la démocratie et de la politique. Donc ils n'ont pas comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont comme modèle les politiciens des kuffars et les autres théoriciens des kuffars ou ainsi de suite. Allah musta'an. Ensuite, il mentionne une autre citation. Qala al-Sheikh Sulayman ibn Abdullah al-Sheikh أوثق عرى الإيمان في كتاب أوثق عرى الإيمان قال فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit, le cheikh Sulayman ibn Abdullah al-Sheikh il dit que dans un livre qu'il a intitulé la lance la plus solide de la foi, à la page 38, il dit: est-ce que on peut compléter la religion ou établir la bannière du djihad ou la bannière de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, excepté par l'amour en Allah et la haine en Allah et le fait de détester ou d'avoir de l'animosité en Allah et de prendre pour allié en Allah? Si les gens étaient tous d'accord sur une seule et même voie et de s'aimer sans avoir aucune haine et aucune animosité, eh bien il n'y aurait pas ici aucune distinction entre la vérité et le faux, ni entre les croyants et les kuffars, et ni entre les alliés de Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du shaitan. Donc ça, c'est la fin de cette citation ici. Donc ça, c'est très important, hein? Donc nous, on distingue parmi les hommes comme ça, entre les mu'minines et les kafirines, entre les mu'minines et les mushrikines, hein? Entre les mu'minines et les munafiqines, hein? On divise l'humanité de cette façon là et on catégorise les hommes principalement de cette façon là avant tout, parce que c'est la plus importante des distinctions entre les hommes. Sinon, il y a d'autres distinctions entre les hommes, mais c'est des distinctions secondaires par rapport à la foi. Tandis qu'on regarde, par exemple, chez les kuffars, quand ils catégorisent les hommes, par exemple, chez les psychologues, lorsqu'ils vont catégoriser, ils aiment faire beaucoup de catégorisations, donc ils font plein de catégorisations des êtres humains, hein? Mais pour eux, distinguer entre un croyant et un non-croyant, c'est même pas un détail important pour eux. Et c'est presque pas significatif pour eux. Même s'ils en parlent, mais ils en parlent toujours pour dénigrer la foi, hein? Et justement pour éliminer les distinctions qu'on fait entre les hommes par rapport à la foi. Donc ça, c'est un exemple. Et ils prennent toujours la religion, et quand ils prennent la religion, ils la calculent tout le temps par rapport à qu'est-ce qu'ils appellent la culture. hein, on remarque qu'ils prennent la religion, ils en font un des éléments qui composent qu'est-ce qu'on appelle la culture. Alors que la religion est au-dessus de la culture, hein, surtout si c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la religion de la fausseté, la religion du shirk, la religion du mensonge, la religion du batil qui est inventée par les hommes, hein, ça on peut dire oui, ça fait partie de la culture. Mais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas partie de la culture, elle est au-dessus de la culture. Mais le problème avec ces koufars, c'est que tellement qu'eux-mêmes ont été mélangés dans leur religion et que le vrai et le faux ont tellement été confondus dans leur religion que pour eux aujourd'hui, il n'y a plus de vrai dans la religion. Tout est mélangé entre le vrai et le faux. Et ils pensent que toutes les religions sont équivalentes sur ce plan-là. Donc pour eux, il n'y a pas de différence. Ils ont vu que le christianisme est faux et que le judaïsme est faux. Alors ils s'imaginent que toutes les religions sont fausses et ils calculent l'islam là-dedans, à cause de leur ignorance et de leur injustice. En tout cas, Allah musta'an. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ces gens-là quand ils nous disent qu'il ne faut pas distinguer entre les hommes par rapport à la foi. Le cheikh il dit ensuite, et c'est le dernier passage, dit « كيف لو رأى هؤلاء الأفذاد أبناء هذا الزمان الذين جعلوا الولاء والبراء على الفكر والتوجه والرمز فهؤلاء اللادينيين يحتفون بزنادق وملاحدة العصر من الأدباء فيدعونهم إلى محافلهم تكريما لهم وينشرون رواياتهم التي تسب الدين وتقدح بالذات الإلهية تصريحا باسم الأدب الذي لا علاقة له عندهم بالدين والعقيدة وبعد المتدينين يعظمون على الرمز لا على الدين تجد من الكتاب من يجمع الطوام من البدع في كتبه المضلة من إساءة الأدب مع الأنبياء أو سب الصحابة أو تكفير المجتمعات بالعموم أو تقرير العقائد الباطلة في باب الأسماء والصفات وغير ذلك ومع ذلك يجعلون كتب هذا وأمثاله أساسا في العلم والتلقي ويصون بها الصغار يوصون بها الصغار والكبار ويجعلونه قدوة وإماما وشهيدا مع كل هذه الأباطيل فهل عرف هؤلاء وهؤلاء معنى الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله فرحم الله الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال عن أمثال هؤلاء في مجموع الفتاوى ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى فمن لم يكفر هؤلاء وجعل كلامهم لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد. انتهى كلامه. Donc on va traduire maintenant cette passe, ce passage-là qui est très important aussi. Il dit le cheikh, comment, qu'est-ce que diraient aujourd'hui les, ces grands imams qui ont, de qui on a cité les paroles, s'ils verraient hein, qu'est-ce qui se passe à notre époque hein, alors qu'on a fait de Al-Wala wal-Bara quelque chose qui est basé sur la pensée ou sur l'orientation ou sur les symboles hein. Donc on voit aujourd'hui par exemple les laïcs qui se mettent, qui se rassemblent autour des hérétiques hein, et des athées de notre époque parmi les écrivains hein, les écrivains et les auteurs, et ils les invitent dans leur centre ou dans leur comment on appelle, dans leur loge ou dans leur centre comme pour les honorer, ils les invitent pour les inviter à parler et tout. Et ils propagent, ils diffusent leur, leurs histoires ou leurs leurs romans ou leurs histoires qu'ils ont écrits, qui parfois insultent la religion et attaquent même Allah subhanahu wa ta'ala dans sa personne hein, et qui font cela au nom de qu'est-ce qu'ils appellent al-adab, c'est-à-dire yani, au nom de la littérature hein, et de l'art et des choses de ce genre. Et ils disent que ça, ça n'a aucun lien avec la religion ni avec la aqidah, c'est juste hein, le fait de maîtriser la littérature et l'art et des choses de ce genre. Et donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là qui se disent parfois musulmans et qui sont yani, laïcs. Et souvent c'est comme ça, c'est qu'ils disent des choses qui sont contraires à la religion et qui sont même en opposition même avec les fondements de la religion. Puis quand tu leur dis mais pourquoi vous vous dites des choses contraires à la religion, ils disent non mais ça c'est pas religieux. C'est, hein. C'est comme par exemple quand par exemple Samir Amrar, un gars, un Tunisien qui étudie en sociologie, il a écrit un livre sur les salafis, le salafisme d'aujourd'hui. Il dit n'importe quoi, il mélange le vrai et le faux dedans. Hein, et il mélange les takfiris, les djihadis avec les salafiyins. Et quand tu lui parles de ça, il dit oui, mais moi je suis un sociologue, je suis pas un religieux. Hein, il sépare la sociologie de la religion. Hein, donc ça c'est la façon comment ces gens-là ils font maintenant. Ils séparent tous les aspects de la vie, toutes les différents domaines d'études, ils les séparent de la religion. En voulant dire ah oh, mais moi je suis psychologue, je suis pas religieux. Alors que dans qu'est-ce qu'il dit dans ses livres de psychologie, il contredit le Coran et la Sunna. Ou bien il va écrire un livre sur un autre sujet, il va dire ah ben non mais moi je suis un, par exemple un linguiste, ou moi je suis un tel ou un tel. Yani, subhanallah. Donc c'est un exemple comment ces hérétiques là font parfois. Et je quand je dis hérétiques, c'est ceux qui insultent la religion et qui yani, rejette la religion, qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que ceux qui font des erreurs dans leur conception, mais qui ne sont pas nécessairement en train d'attaquer la religion elle-même directement, mais qui défendent des bid'ahs ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement en dehors de l'islam, bien entendu. Donc, le cheikh, il dit ensuite, « Wa ba'd al-mutadayyinin » et certains religieux, ils ont du respect envers des symboles. Et non pas pour la religion, non pas, ils n'ont pas le respect pour la religion dans le sens qu'ils vont faire al-wala wal-bara pour la religion, pour le Coran et la Sunna et la voie des salaf. Non, ils vont faire al-wala wal-bara pour des symboles, des personnages, des personnalités qu'ils ont et qu'ils respectent. Et donc, tu vas voir dans le livre d'un auteur, par exemple, plein d'erreurs, plein de bid'ah, plein d'égarements dans ses livres. Hein? Par exemple, tu vas voir un auteur comme Sayyid Qutb, qui a un manque de respect envers les prophètes, qui insulte les sahaba, qui fait le takfir général des sociétés musulmanes, et qui supporte des croyances totalement fausses dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah, et dans d'autres sujets également, comme la croyance en Wahdatul Wujud, hein, et des choses de ce genre. Donc tu trouves ça dans ses livres. Et malgré tout, tu tu trouves qu'il y a des individus qui prennent ces livres-là et qui en font des bases dans la science et des références pour se référer, pour apprendre la religion, et ils encouragent et ils conseillent les petits et les grands de retourner à ces livres-là. Et ils font de cette photo, par exemple, un modèle à suivre, et un imam, et un shahid même, ils vont l'appeler le martyr, hein, et beaucoup d'autres faussetés de ce genre. Et ça, c'est que, le cheikh, il dit donc, est-ce que ces gens-là ont connu la signification de al-wala ou al-bara, et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, alors que ces gens-là défendent des individus pareils? Et le cheikh, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 2, à la page 132, lorsqu'il dit, il est obligatoire de punir toute personne qui s'apparente ou s'affilie à ces gens-là, et qui les défend, et qui fait leur éloge, ou bien qui respecte et vénère leurs livres, ou respecte leurs livres, ou toute personne qui a été connue comme étant parmi leurs supporters et parmi ceux qui les aident, ou qui déteste qu'on parle contre eux, ou qui cherche des excuses et qui commence à donner des excuses pour eux en disant par exemple ah mais cette parole on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Il cherche des excuses pour ces gens-là qui appellent à la bid'a, qui disent des égarements comme ça, et on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là. Ou bien ils vont dire qui a dit que c'était vraiment lui qui a écrit ce livre? Ou des exemples de ce genre, parmi des fausses excuses que personne ne peut ramener, excepté un ignorant ou un hypocrite. Personne qui va ramener des excuses comme ça, excepté un ignorant ou un hypocrite. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit aussi, ensuite, et il est obligatoire de punir toute personne qui a connu l'état de ces gens-là et qui n'a pas aidé à les arrêter. Hein? Parce que d'arrêter ces gens-là fait partie des plus grandes obligations dans la religion. Parce que ces gens-là ont corrompu les esprits des gens et leur religion. Et ils ont corrompu la religion pour beaucoup de gens, parmi les mashaykhs, parmi des ulama, parmi des rois et des dirigeants. Et ils répandent le désordre sur la terre et ils obstruent le sentier d'Allah. Il dit... En ce qui concerne leurs interprétations qu'ils donnent, hein, pour essayer de dire par exemple, quand il y a des gens de bid'a ou des gens d'égarement qui ont dans leurs livres des paroles qui sont totalement en opposition avec la charia, eux, ils essaient de les interpréter d'une manière pour leur donner une signification qui est en accord avec la charia. Il dit, ceux qui font ça, eux-mêmes sont parmi leurs têtes et parmi leurs chefs. Parmi les chefs des gens de bid'a, hein? Et il dit, parce que si il est intelligent, il va reconnaître lui-même son mensonge par rapport à ce qu'il a dit. Et si il croit en ce qu'il dit comme fausseté, intérieurement et extérieurement, alors dans ce cas-là, il est plus mécréant que les chrétiens. Parce que celui qui ne les déclare pas kuffar, et en particulier ici Ibn Taymiyyah, il faisait référence à qui? Il faisait référence aux gens qui croient en Wahdatul Wujud. Donc il dit, celui-là qui défend cette croyance-là, ou qui cherche des excuses ou des interprétations pour défendre ces croyances-là, il est plus mécréant que les chrétiens. Et celui qui ne les déclare pas kuffar, il essaie de donner une interprétation valable à leurs paroles, alors dans ce cas-là, il est encore plus loin de déclarer kuffar les chrétiens avec leur trinité. Parce que les chrétiens avec la trinité, eux autres aussi, ils essaient de ramener des arguments pour essayer de le supporter, malgré que c'est la plus fausse des faussetés. Eh bien, la même chose pour ces gens-là qui défendent Wahdatul Wujud, c'est la même chose. Ils ont des shubuhat semblables à celles des chrétiens et qui sont des exemples de kufr plus grands que l'exemple des chrétiens alors qu'ils se disent musulmans. Donc ça, c'est les exemples. Et le cheikh, il mentionne comme exemple à ce sujet-là par rapport aux paroles de Sayyid Qutb. Il dit... ومن تأول لكلامهم فإنه من رؤوسهم فإنه من رؤوسهم وأئمتهم فكيف بمن أقره وهو يدعي السنة فلقد قرأت على بعض من يشار لهم بالبنان في العلم ممن فتن بهذا الفكر العفن كلام سيد قطب عن نبي الله موسى عليه السلام أنه نموذج للزعيم العصبي المندفع العصبي المزاج وعن معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن بأنهما غلب عليا رضي الله عنه بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم فقال مقرا ما قال في موسى عليه السلام ليس فيه شيء وقال مبررا اتهام الصحابيين رضي الله عنهما بالنفاق يريد في هذه المسألة فقط فلا حول ولا قوة إلا بالله. قارن هذا مع جواب علماء السنة. فحين قرأ ذلك على شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أخذ يكرر التعوذ بالله ويقول هذا سوء أدب مع الأنبياء. أما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قرئ عليه الأول قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، وقال عن سب الصحابيين رضي الله عنهما هذا كلام قبيح، كلام منكر ينبغي أن تمزق. انظر كتابي براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة. Donc le cheikh il dit, regardez dans les paroles d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que celui qui cherche des excuses pour eux et qui cherche à interpréter leurs paroles en accord avec la charia, pour les rendre en accord avec la charia, que c'est une de leurs têtes et un de leurs chefs, un de leurs leaders, leur imam, eh bien, il dit, regardez, maintenant, qu'est-ce qu'on dirait par la suite de celui qui est d'accord avec ses paroles, les paroles de cette Qutub par exemple, et qui prétend être sur la Sunna. Parce qu'il dit, j'ai lu des paroles de cette Qutub à certaines personnes qui sont pointées du doigt parmi les gens qui sont considérés comme étant des gens de science et qui ont été éprouvés par les idées corrompues et puantes de cette Qutub dans ses livres au sujet par exemple du prophète Moussa alayhi salam, qu'il a dit à son sujet que c'est l'exemple du chef d'un chef nerveux et agressif, ainsi de suite, et qu'il a dit à propos de Muawiya ibn Abi Sufyan et de Amr ibn al-As qu'ils ont pris le dessus sur Ali radiallahu anhuma par le mensonge, la tromperie, la tricherie, l'hypocrisie et les pots de vin, ils ont dit. Il a dit, quand il parle d'un individu, probablement qu'il parle de Abdullah ibn Jibrin, Allahu A'lam, parce qu'Abdullah ibn Jibrin, c'était quelqu'un justement qui défendait les Ikhwan et qui défendait cette Qutub et qui défendait plein de gens de Bid'al. Il défend Jama'at Tablir, il défend Ben Laden, il défend plein d'égarés. Donc, ça se peut qu'il parle de celui-là. Parce qu'il dit, quand il lui a lu ces paroles-là, qu'est-ce qu'il a répondu? Par rapport à qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Moussa alayhi salam, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a rien là-dedans. Laisse fi hishay. Et il a dit, pour essayer de trouver une excuse pour l'attaque ou les paroles dites contre les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi salam, et de les accuser, lorsqu'il disait d'eux que c'était des gens qui avaient de l'hypocrisie, il dit, il veut dire seulement dans cette question-là seulement. Il voulait dire, c'est-à-dire, Sayyid Qutub voulait seulement dire dans cette question-là. Donc il dit, voilà, hawla wala quwata illa billah. Il dit, compare cette réponse de cet individu-là, qui se prétend être sur la sunna, avec la réponse des ulama d'Ahlus Sunna, les vrais ulama, lorsqu'on a lu ces paroles de Sayyid Qutub au Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, il continuait, il répétait tout le temps, a'ouzu billah, a'ouzu billah. Il a dit ça c'est des mauvaises manières avec les prophètes, c'est de mal agir envers les prophètes, un mauvais comportement envers les prophètes. Et Cheikh bin Baz, quand on lui a lu cette parole-là, la première parole à propos de Moussa, alayhi salam, il a dit de se moquer des prophètes, c'est une apostasie séparée, indépendante. Hein? Donc c'est, en soi, c'est-à-dire celui qui se moque des prophètes, c'est une, il a considéré ça comme un genre de moquerie envers les prophètes, que c'est une forme d'apostasie quand on lui a lu ça. Et quand on lui a lu les paroles à propos des deux compagnons et l'insulte envers les deux compagnons, Muawiyah et Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, Cheikh Ibn Baz a dit quoi? Il a dit ça, c'est une parole laide, une parole mauvaise, et elle doit être déchirée. Hein? Donc ça, c'est des exemples, qu'est-ce qu'on retrouve? Quand on a lu ces paroles-là à Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ces paroles-là? Et le Cheikh dit: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي أَحَدُ طُلَّابَ الْعِلْمَ الثِّقَاتِ أَنَّهُ اتَّصَلَ يَوْمًا عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمَشَيْخِ يَقْرَعُ عَلَيْهِمْ كَلَامَ سَيِّدِ قُطُبٍ فِي وَصْفِ الصَّحَابِيَّيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالنِّفَاقِ وَكُلُّهُمْ يَقُولُ هَذَا رَافِضِي أَوْ رَافِضِي خَبِيثٌ أَوْ هَذَا رَفْضُ كُلُّهُمْ لَا يُغَيِّرُ حُكْمُهُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْقَائِمِ حتى إن شيخنا ابن عثيمين قال قطب وإلا مطب رافضي إلا ما كان من الشخص الذي أشرت آنفا أني قرأت عليه أنا عليه لما قال له الأخ قائل هذا الكلام هو سيد قطب قال ليس هذا برفض إنما يريد كذا وكذا فأخذ يعتذر له. Donc le cheikh il mentionne ensuite, il dit certains tulab ilm ont mentionné, certains tulab ilm qui sont fiables, ils m'ont dit qu'ils ont un jour ils ont appelé plusieurs shuyukh pour leur lire les paroles de cette kutub. Et la description des deux compagnons qui a été mentionnée, des deux compagnons, et que Sayyid Qutb les a accusés d'hypocrisie et autres. Et ils ont tous dit, ça c'est une parole d'un Rafidi. Hein? Rafidi, Khabith. En voulant dire que c'est un Rafidi. Il y en a parmi les Shia Rafidah qui insultent les Sahaba. Donc ils l'ont considéré que c'était un Rafidi en lisant cette parole. Hein? Et il y en a pas un qui a eu un verdict divergent à ce sujet-là. Hein? Et même que Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit Qutb wa illa Mutb Rafidi. Hein? Il dit, quand on lui a dit que c'était Sayyid Qutb, il a remplacé le Qaf par un Mim. Il a dit wa illa Mutb Rafidi. C'est un Rafidi celui-là. Hein? Et il a dit, sinon l'autre personne qu'il a mentionné, probablement qu'il n'a pas mentionné son nom dans le livre, mais il fait référence probablement à Ibn Jibrin. Hein? Il dit, lorsqu'on lui a lu ces paroles-là, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on lui a dit que c'était Sayyid Qutb, il a dit, non, c'est pas du raft. Il voulait juste dire telle ou telle chose, il commençait à chercher des excuses pour lui. Donc ça c'est l'exemple. Qu'est-ce que Cheikh al-Islam mentionne ici du fait que quand tu vois des gens qui cherchent des excuses pour des mubtadi'a comme ça dans des questions qui ont rapport à des sujets aussi graves que ça, ça c'est le signe que la personne en réalité elle fait partie des gens de bid'a elle-même, parce que c'est pas normal que quelqu'un qui est sur la sunna qui cherche des excuses pour les mushrikin ou pour les kuffar ou pour les gens de bid'a ou pour les gens de l'égarement de cette façon-là. Hein? C'est comme si par exemple tu parles avec quelqu'un qui se dit musulman, tu lui mentionnes l'exemple du shirk des chrétiens et du kouf des juifs et des choses de ce genre, et puis commence à défendre les juifs, commence à défendre les chrétiens pour dire « Mais non, ce ne sont pas des mouchriquines, ils ont dit ça parce que telle chose. » Tu vas dire « Mais toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un juif, tu n'es pas un musulman. Hein? » Parce que la réalité, c'est ça. Donc, maintenant, tu vois quelqu'un qui commence à insulter les sahaba, insulter Muawiyah radiallahu anhu, insulter Amr ibn al-As, c'est-à-dire qu'il a de l'hypocrisie et du nifaq, eh bien, tu vas dire quoi? Si quelqu'un est en train de chercher des excuses pour celui qui fait ça, tu vas dire, mais toi, t'es un rafidi ou quoi? Hein? C'est pas normal, tu peux pas être sur la sunna puis tu défends quelqu'un qui dit des choses comme ça. Ensuite, le cheikh, il termine en disant ورحم الله أبو الوفاء ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل حين يقول أيضا كما في الأدب الشرعي لابن مفلح فصل في هجر الكافر والفاسق والمبتدع والداعي إلى بدعته المضلة. إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف في الموقف بال في الموقف وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. Ça c'est une parole. Je cherchais cette parole pendant longtemps et quand je l'ai retrouvée, j'étais vraiment content parce que cette parole elle explique beaucoup de choses. Il dit wa Asha ibn al-Rawandi والمعري عليهما لعائن الله ينظمون وينصرون وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم وهذا يدل على برودة القلب برودة الدين في القلب. أي نعم انتهى كلامه. أقول رحمك الله فما أشبه الليلة بالبارحة. Donc il dit que Allah fasse miséricorde à Abu al-Wafa ibn Aqil lorsqu'il a dit, comme c'est mentionné dans l'Adab al-Shar'iyya d'Ibn Muflih dans le chapitre au sujet de faire le hajr, c'est-à-dire de s'écarter du kafir, du pêcheur et de l'innovateur et de celui qui invite à sa bid'a qui égare. Dans le volume 1 à la page 237, il dit si tu veux savoir quelle est la position de l'islam vis-à-vis des gens d'une époque, ne regarde pas comment ils se bousculent dans les portes des mosquées, ni le bruit qu'ils font à un endroit en particulier, Al-Mawqif, probablement il parle de un endroit en particulier où ils se tiennent. Mais regarde comment ils se positionnent par rapport aux ennemis de la charia. Et il dit ensuite, il dit, regardez par exemple Ibn Rawandi et Al-Mar'i, ils ont vécu, il dit que Allah mette la malédiction sur tous les deux. Il dit ces deux-là ont vécu et ils ont écrit des poèmes et ils ont vécu pendant des années et les gens ont élevé leur tombeau et leurs livres ont été achetés pendant longtemps. Et il dit que ça c'était la preuve de la froideur de la religion dans le cœur. Fin de la citation. Donc il dit je dis que Allah te fasse miséricorde comme la nuit ressemble à la précédente, comme cette nuit ressemble à la précédente. C'est une expression en voulant dire comme les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette citation ici? C'est que pour savoir quelle est la position de l'islam dans le cœur des musulmans, c'est pas de regarder comment ils sont tous serrés dans les mosquées quand il n'y a pas de place dans les mosquées. Les mosquées sont remplies et qu'ils font, on entend beaucoup de bruit à l'endroit où ils se réunissent par rapport à l'islam. C'est pas ça la référence pour savoir si l'islam est fort dans leur cœur ou non. Regarde leur attitude envers et leur position vis-à-vis des ennemis de la charia d'Allah. Et c'est là que tu vas savoir où ils en sont par rapport à leur islam. Parce qu'il donne l'exemple de deux hérétiques qui étaient aimés et respectés même après leur mort, et que les gens achetaient leurs livres et ainsi de suite. Donc tu peux pas, même si les mosquées sont remplies, mais que les gens aiment les ennemis d'Allah et respectent les ennemis d'Allah, alors le fait que les mosquées soient remplies, ça n'a aucune signification. Donc la même chose, si tu vois des mosquées remplies mais que les gens adorent les tombes, et puis respecte ceux qui adorent les tombes ou qui appellent à l'adoration des tombes, alors dans ce cas-là, même si les mosquées sont remplies, ça n'indique pas que les gens sont réellement sur l'islam. Correct. Donc, ça c'est la fin de cette parole ou de cette citation. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera ça samedi prochain, Inch'Allah. Et on a fini, avec ça, on a fini le point numéro 3. On va commencer la semaine prochaine le point numéro 4 au sujet des différentes explications, des différents exemples de Al-Wala wal-Bara mentionnés dans le Coran, des exemples pratiques qui ont été appliqués par des prophètes à propos d'Al-Wala wal-Bara qui sont mentionnés dans le Coran. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين